Conscient de son charme provincial et de son accent marseillais dont il usait et abusait parfois, il n'avait eu de cesse de fouiner encore et toujours pour trouver ailleurs ce qui visiblement l'obsédait au regard du temps qu'il devait occuper lors de ses repos à l'extérieur. La venue du TGV avait favorisé le regain de ses coutumes vieilles comme le monde et la solitude de l'emploi avait accentué le syndrome des insatisfaits devenus accros de rencontres inédites. Marie, sa femme depuis bientôt 25 ans, devait se douter de ces écarts fréquents, mais fermait les yeux, ou demeurait indifférente aux rumeurs fallacieuses qui lui parvenaient quelquefois, à peine atténuées. C'était comme ça depuis toujours, ou presque. Marcel se rassurait à sa façon, et Marie, bonne poire, mettait son mouchoir par-dessus les ragots pour étouffer le camp, dira-t-on. Elle aimait son homme, tout simplement. Ou, qui sait, dissimulait peut-être habilement quelque chose.